Caprice de lecture sur Fadjet, animé par Sarah. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Caprice de lecture où aujourd'hui je reçois une auteure de 6 romans historiques, Michel Andrieux. Bonjour Michel. Bonjour Sarah. Qui nous emmène aujourd'hui dans les arcanes du temps et de la France, dans son dernier livre, Le mystère de la Malgrange, édité aux éditions Hugo Stern. Alors Michel, ce sera l'objet de notre première question. Claude Boulanger, le héros de ce dernier né, est en charge de faire, on va dire, baisser ou diminuer le nombre d'habitants d'enfants dans la France de Louis XVI. Comment vous est venue cette idée? Et comment vous est venu justement ce personnage de Claude Boulanger? En fait, c'est un personnage qui a réellement existé. D'accord. J'ai un de mes ancêtres donc qui a été abandonné au château de Paris. Et donc, j'avais un PV, ce PV d'abandon qui était signé de Claude Boulanger. Donc, j'ai creusé un peu pour connaître, bien évidemment, le fonctionnement de la police à ce moment-là de l'ancien régime, hein, parce que ça a beaucoup changé. Ouais. Donc voilà, mais c'est un personnage qui a réellement existé. Ok, parce que moi j'avais mené des recherches évidemment sur le meilleur ami de tout le monde, Google, et j'avais rien trouvé de très probant. Donc j'ai cru que c'était un personnage de fiction. Non, en fait, excusez-moi. Je vous en prie, allez-y. En fait, pour trouver vraiment quelque chose sur lui, il faut vraiment creuser et mettre d'autres mots-clés, du style chapelet, enfin voilà. Ok, d'accord. Alors donc, l'objet de ma deuxième question, c'était comment ou qui vous a influencé Claude Boulanger? Donc j'ai la réponse dans ma première question. Du coup, on va passer à la suivante. Donc c'est une enquête qui nous emmène de Paris à Vouziers, de Vouziers à Jarville. On a une espèce de triangle géographique là qui se passe. Vouziers étant grosso modo, si j'ai bien regardé mes sources, entre Paris et, on va dire, Nancy-Metz. Alors ce triangle, est-ce qu'il retrace un petit peu le vrai périple de Claude Boulanger, ou est-ce que on va dire c'est quelque chose d'un petit peu imaginé? Alors en fait, il ne retrace pas le périple de Claude Boulanger. D'accord. Parce que, en fait, tout ce qui concerne après ce commissaire tient du roman. Mais par contre, il retrace les déplacements de Barbe Goé, qui est donc une de mes ancêtres. Ok. Et qui effectivement fille d'un suisse du château de la Malgrange et qui descendait donc des ardoisiers du roi, s'est retrouvée enceinte sans être mariée. Donc on l'a envoyée à Vouziers pour y accoucher. Elle est décédée 3 mois après, sans doute de fièvre, hein, comme c'était souvent le cas à l'époque. Mais on l'avait envoyée pour l'écarter un peu, comme ça se faisait dans ces milieux en fait de haute bourgeoisie. C'était pas la noblesse, mais c'était des artisans qui avaient pignon sur rue. Et voilà quoi. En fait, c'est une dame qui a remonté tout ça aux archives de Nancy, voilà, et avec qui j'avais beaucoup échangé à l'époque. Donc c'est passionnant, parce que c'est un travail de recherche aussi, c'est très très passionnant. Retour de Caprice de lecture tout de suite après Jane et Makeba. Makeba, makes my body dance for you. extension of a thousand homes. Ooh, we make it by, make it by, make it me like. Girl, I got a ooh, we make it by, makes my body dance for ya. Ooh, we make it by, make it by, make it me like. Girl, I got a ooh, we make it by, makes my body dance for ya. De retour sur Fadjet dans Caprice de lecture pour la deuxième partie de l'interview de Michel Andrieux par Sarah. Votre livre est très documenté. Comment vous, vous menez vos recherches? Parce qu'en début d'interview, vous me dites, bah voilà, c'était un ancêtre, etc. Mais pour être aussi précise, alors il y a une partie de fiction. Comment vous orientez? Est-ce que vous allez dans différentes bibliothèques? Est-ce que vous consultez, par exemple, Gallica, donc le site de recherche de la BNF? Comment ça se passe quand vous entamez un roman? Parce que vous êtes quand même... on va dire à la tête de 6 romans historiques. Donc là, on parle du mystère de la Malgrange, mais il y en a 5 autres avant. Comment ça se passe? Comment vous... On va dire, on va rentrer un petit peu dans les secrets de fabrication de Michel Andrieux. Comment vous, vous structurez un petit peu vos recherches? Alors en fait, j'ai beaucoup, beaucoup de données parce que j'ai fait de la généalogie à partir des années 2000. Donc là, il s'agissait d'aller aux archives parce qu'à l'époque, rien n'était numérisé. Et aussi, il y avait beaucoup d'échanges parce que quand même, Internet commençait. Donc il y avait des échanges et moi, j'allais chercher là où j'habitais et d'autres allaient chercher sur les lieux de vie de mes ancêtres. Donc en fait... tout ce que sont ces éléments de généalogie, d'histoire personnelle, je vais dire, ça je les ai depuis longtemps, j'ai une masse, je crois que j'ai de quoi écrire jusqu'à 90 ans, parce que j'ai une masse de données comme ça sur des personnages qui m'ont un peu interpellée, vous savez, enfin, tous ceux qui font de la généalogie le savent, on a nos ancêtres préférés. Bah oui. On a des coups de cœur quelquefois parce qu'il y en a qui ont eu des vies vraiment extraordinaires. Est-ce que quand, parce que je vous écoute parler, ça me fait réagir. Est-ce que la généalogie ne serait pas un petit peu vos coups de cœur littéraires quelque part, vivant ou ayant vécu, voyez? Oui, mais en fait, il y a un lien très fort avec nos ancêtres. Hein, oui. Et plus on creuse, et alors il y en a avec qui c'est très particulier. Par exemple, bon, je parle juste 5 minutes d'un autre de mes romans qui s'appelle Le Tondeur de Draps. Oui. C'est un personnage qui est parti de Prague, qui est venu à pied dans le comté de Montbéliard, qui a une histoire absolument extraordinaire. Incroyable. Donc voilà, j'ai fait un livre sur lui. My Baby Just Cares for Me de Nina Simone. Juste avant la dernière partie de l'émission Caprice de lecture, Sarah reçoit aujourd'hui Michel Andrieux. My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for. Don't please, Liz Taylor is not a star, and even Lana Turner's my heart. Something he can't see. My baby don't care. Who knows? My baby just cares. Thank you. baby don't care for shows, and he don't even care for clothes. He cares for me. My baby don't care for cars and races. Baby don't care for, he don't care for high-toned places. Liz Taylor is not his style, and even Liberace's smile. Something he can't see is something he can't see. I wonder what's wrong with baby. My baby just cares for, suite la troisième partie de l'émission Caprice de lecture, Sarah reçoit Michel Andrieux. Quels sont vos projets pour 2023? Est-ce que vous faites une petite pause généalogique ou au contraire, est-ce que vous continuez un petit peu d'explorer la vie de vos ancêtres et est-ce qu'on aura peut-être un septième roman? Alors en fait, j'ai plusieurs livres qui vont sortir. Alors il y en a un qui est en cours d'écriture. Alors là, je suis partie d'un fait historique, mais qui n'a pas de lien généalogique. D'accord. Et donc, c'est l'histoire de deux jumelles qui ont une seigneurie dans le Haut-Anjou. Mm-hmm. Une a mystérieusement disparu. Enfin bref. Donc, j'ai brodé là-dessus. Là, je suis partie un peu sur les histoires de diables et de sorcellerie qu'il y avait au XVIIe siècle. D'accord. Donc, voilà. Ça, c'est en cours d'écriture. Après, j'en ai deux qui vont sortir. Alors, j'ai un collectif qui s'appelle Les 13 filles, et nous sortons notre deuxième opus en mars, qui sera sur le sujet de la Seine. Alors, d'accord. C'est un collectif de nouvelles. Et alors l'autre, il s'appelle Bella Torres. Alors là aussi, c'est un collectif de nouvelles, mais là, je suis la seule auteure. En fait, ce sont des portraits de femmes, je dirais de femmes guerrières, alors qui ont un lien généalogique, puisqu'elles font toutes partie de mes ancêtres ou de ceux de mes fils. Oui. Et donc, mais ce sont effectivement des femmes aussi, alors certaines très connues et d'autres pas du tout, mais qui ont eu, qui ont dû se battre. Hein. Il n'y a pas d'autre mot pour vivre leur vie, tout simplement. D'accord, ok. Voilà. Eh bien, merci Michel de nous avoir accordé ce temps pour qu'on puisse discuter donc du mystère de la Malgrange, édité, je le rappelle, aux éditions Hugo Stern. Eh bien, hâte de découvrir les prochains, évidemment. Merci beaucoup. Et puis, n'hésitez pas à aller lire les 5 autres romans qui seront tout aussi passionnants. Merci Michel et à bientôt. Au revoir. Merci Sarah, au revoir.